says it's a dream of a little soul. La nuit qui arrive, pour quelques heures, les hommes sales et les épars de la rêveur. J'ai pas choisi de mettre ici, entre l'ignorance et la violence. Thank you. C'est quoi ce pensée? Oh, my best singer, c'est moi. Mother's Mary comes to me, speaking words. Thank you.

sais pas si je suis bien calé. Moi. J'ai essayé de mettre un truc. Attends. Thank you. Thank you. Thank you.